représente l'arme du crime. Je provoque des larmes décrimées. Il suffit d'un sourire de ma part pour que ça crame. J'ai pas besoin de dictionnaire pour écrire mes textes. Juste de charger ma rime et viser droit dans ta tête. Et si ça pète, c'est Kusama est sorti de sa tombe. Le torse bombé, je tente d'avancer, mais je vois les autres tomber. Alors qu'en bas, les frères s'tapaient du pour de la monnaie. Et c'est comme ça que le système nous baisse depuis qu'on est né. Je représente Boréal, Sergi, indestructible. Voilà comment les représente ici. Pendant que je bats toute ta clique de faux MC qui suent des signes. Tu trouves sans issue comme une pouca avant en Sicile. Des sud d'ici, donc au-dessus, je veux mon domicile. Hardcore, puis mon premier coca. Lascar, je veux ma barre, mon skycoca et ma barre à la barre. Je fais tout pour Veski leur baron. En même temps, dans le peur, j'arrive, je suis le nouveau baron. Mais c'est tard parce que dehors, y'a plus rien à faire. Comme quand j'ai dit au proviseur, niquer sa mère. Ça reste cru, parce que dehors y'a que la crasse. Mon crew se lève, on laisse nos traces pour des liasses. Ça se passe sur le bitume là où les mecs se foutent ça. Rien que ça consume, mais tout niqué, on aime tout ça. Faut que ça reste cru, parce que dehors y'a que la crasse. Mon crew se lève, on laisse nos traces pour des liasses. Ça se passe sur le bitume là où les mecs se foutent ça. Rien que ça consume, mais tout niqué, on aime tout ça. À l'école, j'avais pas besoin de sac à dos. C'était le shit et l'alcool, ma démarche était saccadée. Sous le porche barricadé, on fait notre marche. Ça rêve de Porsche pendant que les ports marchent avec des t'as d'amener. Ici les frères veulent tous les couilles à mon talatonie. Alors que la plupart sautent aussi bien que Farine et Alain. Derrière on entretient la forme. Quelques grammes rentrent et on parle de la vie et son format. Dehors le temps est figé. 23 piges à essayer de comprendre et j'ai toujours pas pigé. Pourquoi nos jours se ressemblent comme les deux tours. Détournés du droit chemin, on vient tout retourner. Les miens stagnent et ne savent que se taper. Pendant que le temps s'écoule comme l'encre sur le papier. Ou comme le sang de ce type sur le tapis. Tant pis le temps passe et ne connaît pas la pitié. Car ici c'est rude quand ça se règle en tête-tête comme à la corrida. Faut que ça reste cru, parce que dehors y'a que la crasse. Mon crew se lève, on laisse nos traces pour des liasses. Ça se passe sur le bitume là où les mecs se foutent ça. Rien que ça consume, mais tout niqué, on aime tout ça. Faut que ça reste cru, parce que dehors y'a que la crasse. Mon crew se lève, on laisse nos traces pour des liasses. Ça se passe sur le bitume là où les mecs se foutent ça. Rien que ça consume, mais tout niqué, on aime tout ça.